48e leçon. Quelques expressions idiomatiques. Ne faites pas de bruit. Je suis en train d'enregistrer. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est pour écrire à l'envers. Lequel de ces deux pulls voulez-vous ? Ça m'est égal. Ce n'est pas la peine de crier. Je suis sourd comme un pot. J'espère qu'il a l'habitude de voyager beaucoup s'il accepte cet emploi. Passe-moi un coup de fil, si tu as le temps. Est-ce que je peux vous poser une question ? Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes malade ? Il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Exercice. Mon fils me passe un coup de fil tous les mardis. Nous sommes en train d'apprendre le français. Elle a l'habitude de faire la cuisine. Elle a une grande famille. Vous êtes prêts ? Bien. Allez-y. Votre pull est à l'envers.